Il y avait deux filles à côté. Oh, mais c'est... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hein. Oh non, non, c'est fermé. Hein. Là, c'est les pieds et là, c'est le. Merci, bonjour. À bord des trains. Merci. Pour connaître la position des voitures, veuillez consulter le tableau de composition des trains sur le quai.